Je suis arrêté au beau milieu d'un virage. J'avais déjà allumé mes feux de détresse. Il est hors de question de les éteindre maintenant. En effet, si quelqu'un déboule dans le virage, il est important qu'il aperçoive mes feux allumés. Je ne me rapproche surtout pas de la voiture grise. Cet espace libre entre elle et moi pourrait être une échappatoire si quelqu'un arrivait trop vite derrière moi. C'est-à-dire que bloqué contre le pare-choc de la voiture qui précède, je n'aurai absolument aucune liberté de mouvement. Réponse B et D.